Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le géant de la mode, Yves Saint-Laurent. Je suis très fier que les femmes du monde entier portent des tailleurs pantalons, des smokings, des cabans, des trench coats. Je me dis que j'ai créé la garde-robe de la femme contemporaine, que j'ai participé à la transformation de mon époque. C'est le 7 janvier 2002 qu'Yves Saint-Laurent annonce qu'il part à la retraite. Cette nouvelle-là va faire très, très vite le tour de la planète. Il faut savoir que le nom d'Yves Saint-Laurent est connu dans le monde entier. Saint-Laurent avait l'habitude de dire que les modes passent, mais que le style est éternel. Ce n'est donc pas un hasard si son smoking ou son tailleur pantalon, par exemple, sont devenus justement des classiques indémodables. On ne sait pas d'où vient un goût, un instinct. Personne ne vous l'apprend. Ce jour-là, tu as rencontré la gloire. Et depuis, elle et toi ne vous êtes plus quittés. Avec mes robes, avec mes dessins, j'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir. Le talent, tu l'as. Le reste, je m'en occupe. J'ai 4 collections par an. C'est toi qui vas les faire, peut-être? J'en peux plus, je suis épuisé. Mais tout ça, tu l'as voulu. Yves, regarde-moi. Tu veux vivre ou tu veux mourir? Parce que si tu veux mourir, moi, je peux rien faire pour toi. Tu peux pas isoler Yves comme ça. Si je t'entoure de paravent, tout le monde va dire que je suis un tyran. La mode, ça n'est pas un art majeur. Non, ça n'est pas un art du tout, même. Pour la faire comme tu l'as fait, toi, il faut être un artiste. T'es un génie, Yves. Sans toi, il n'y aurait rien eu. C'est un extrait de la bande-annonce du film Yves Saint-Laurent de Jalil Lespère que vous venez d'entendre. Pour nous raconter le parcours assez exceptionnel d'Yves Saint-Laurent, pour nous parler aussi de son immense importance dans l'histoire de la mode, je reçois le journaliste de mode Stéphane Leduc. Il est aussi chargé de cours à l'École supérieure de mode de l'Université du Québec à Montréal et directeur pédagogique de l'École Promédia. Stéphane Leduc, bonjour. Bonjour. En 2014, et c'est plus qu'anecdotique, il y a deux réalisateurs, Stéphane Leduc, qui vont lancer chacun leur propre film sur la vie d'Yves Saint-Laurent. Il y a le film de Jalil Lespère, dont on vient d'entendre la bande-annonce, Yves Saint-Laurent, qui sort cette année-là, et celui de Bertrand Bonello. Deux films qui sont différents l'un de l'autre, qui présentent deux facettes du même homme. Le film de Bonello, pour ceux qui l'ont vu, est un peu plus trash, nous montre le Saint-Laurent de la défense, du sexe, de la drogue. Celui de Jalil Lespère est peut-être un peu plus consensuel, version plus lisse, le Saint-Laurent génie de la haute couture. Mais encore une fois, c'est plus qu'anecdotique, cette affaire-là. Et commençons par là. Comment décrire cet homme aux facettes multiples qu'a été Yves Saint-Laurent? Oui, ça démontre une vie très riche, une vie de roman, autant une vie riche dans la création que dans la vie personnelle. On peut parler d'un prodige, d'un génie de la mode parce qu'il dessine très, très jeune. Il a un talent incroyable pour le dessin, un grand sens de l'observation, autant les personnages de théâtre au début que par la suite ceux de la mode, mais un grand dépressif. On dirait que le succès qui est arrivé très tôt pour lui, à l'âge de 21 ans, quand il remplace Christian Dior, le grand Christian Dior, et le succès qui vient avec... Donc, ce défi de se renouveler, de ne jamais décevoir, on dirait que l'angoisse prend le dessus par moment. Et naturellement, arrive dans les années 70, cette expérimentation des drogues, qui était presque un culte à l'époque, et ça va exacerber ses angoisses, ça va vraiment l'angoisser de plus en plus au cours de sa vie, et il va s'isoler. Mais la création va toujours demeurer un moteur important pour lui. Oui, un moteur vital. Il a besoin de créer, même si ça l'angoisse profondément, puis il doit vivre avec cette contradiction toute sa vie. On va entendre à la fin de l'émission, d'ailleurs, un très bel extrait qui évoque ce combat perpétuel pour lui. C'est quelqu'un, donc une vie qui n'est pas simple, on l'a bien compris, c'est quelqu'un qui va avoir une influence, une importance énorme dans l'histoire de la mode. De quelle manière? À plusieurs niveaux, on dit que souvent que Chanel avait libéré les femmes. Et des années plus tard, c'est Yves Saint-Laurent qui va leur donner le pouvoir, c'est qu'il s'inspire du vestiaire masculin. Il va prendre le célèbre smoking, le caban qui est cette veste de marin, le blazer. Il va créer le tailleur pantalon aussi. Bref, il va adapter le vestiaire masculin pour les femmes, pour une femme moderne, parce qu'il comprend très bien son époque. Il sent qu'une révolution sociale est en train de se faire. C'est la fin des années 60, début 70. Donc, à ce moment-là, c'est cette explosion sociale qu'il comprend, et il comprend que les femmes arrivent à une autre époque. Mais il ne va pas en faire un vêtement qui demeure masculin. Il voulait un vêtement qui était ni futuriste, ni asexué. Il y avait une sensualité. Il voulait finalement montrer la femme sur son meilleur jour, mais une femme qui travaillait, une femme qui voyageait. Et donc, c'était une forme de révolution, mais il l'a établi et l'a fait. Et c'était aussi pour contrecarrer un peu une certaine bourgeoisie, une société élitiste aussi, qui ne descendait pas beaucoup dans la rue, mais comprenait que maintenant, la mode était dans la rue et la rue devait l'inspirer aussi. Donc, c'est ce partage. Donc, ce sont des vêtements qui sont restés. Il a aussi été innovateur à plusieurs niveaux, dans le sens qu'il est le premier couturier exposé de son vivant au Metropolitan Museum de New York en 1983, oui. Beaucoup plus tard, mais c'est un moment important parce que c'est la mode qui entre au musée. Il disait que la mode n'était pas un art, mais en fait un artisanat, un art appliqué, mais c'est une reconnaissance qu'il a appréciée et qu'il a montré. Il avait poussé la mode tellement loin, il avait tellement compris, il avait sublimé aussi l'état de création, que c'était une reconnaissance, et dorénavant, on reconnaît vraiment la mode comme importante au niveau de la création artistique. Oui, et c'est chez Christian Dior, en 1955, qu'Yves Saint-Laurent va vraiment faire son entrée dans la mode. Il faut dire qu'il naît à Oran, en Algérie, en 1936, famille prospère, famille aimante, un goût très, très hâtif pour la culture et pour la mode, mais son entrée, en bonne et due forme, dans le monde de la mode, se fait chez Christian Dior en 55. Il va y connaître une ascension fulgurante, Stéphane Leduc. Comment il rencontre, d'abord, Christian Dior, et comment se passent ses débuts chez Christian Dior? Yves Saint-Laurent a la chance d'échanger avec Michel de Brunhoff, qui est le rédacteur en chef du magazine Vogue en France, donc homme très influent qui connaît Christian Dior, et il montre les croquis de Saint-Laurent à M. Dior, qui l'engage parce qu'il est fasciné par cette qualité de dessin. Il débute donc à l'âge de 19 ans, très jeune. Il s'occupe tout d'abord des vitrines, mais peu à peu, mais même rapidement, il passe les étapes et travaille très près du couturier et va confectionner plusieurs des robes de haute couture. Et il lui donne de plus en plus de responsabilités. Et en 1957, il fera quand même 34 dessins qui seront exécutés, qui feront partie de cette collection importante pour Christian Dior. Qui sera sa dernière, de fait, puisque Dior meurt le 24 octobre 1957. Yves Saint-Laurent n'a à ce moment-là que 21 ans et il se retrouve à la tête de la maison Dior à la suite donc du décès de Christian Dior. Et dès sa première collection de 1958, il impose sa marque. Allô, Liselina. Oh oui, je suis là, mais j'ai dû me réfugier sur le balcon, tellement Yves Saint-Laurent a été happé par la foule. Il est en train d'essayer de passer par la fenêtre. Je ne sais pas si vous parviennent les rumeurs, mais nous sommes absolument compressés comme des sandwichs. Yves Saint-Laurent, d'abord, je vais vous demander une question extrêmement banale. Quelle impression cet énorme succès vous fait-elle? Je suis surtout très, très ému. Je suis très heureux aussi, très ému en pensant à... La ligne trapèze est une réussite et avec une personnalité qui dénote certainement la patte d'un futur très grand couturier. Alors, la ligne trapèze, c'est une mode qui nous rend piaffante de voir arriver le printemps, les fleurs, le plein air, le soleil. C'est une collection sentimentale. Extrait d'archives où on entend le jeune Yves Saint-Laurent, au tout début de l'extrait, répondre aux questions de la journaliste Liselina, qui par la suite donc poursuit un petit peu, décrit cette collection, cette célèbre maintenant collection trapèze de 1958. Commençons pour parler un peu de ce que va devenir la patte Saint-Laurent. Commençons par parler de cette collection. Elle est importante, cette collection trapèze de 58, Stéphane Leduc. Elle est importante parce que Yves Saint-Laurent s'éloigne un peu du style Dior, qui est une taille très cintrée. Il utilise moins de tissu, donc plus de légèreté. Et c'est une autre façon de voir la mode. Et c'est une façon aussi d'amener peu à peu cette maison dans la modernité. Et le succès est présent. On l'appelle déjà le petit prince de la mode avec cette première collection. Et le succès va poursuivre par la suite et changer beaucoup de choses dans sa vie. Et puis en 61, il va décider d'ouvrir sa propre maison. Comment vient-il à cette décision-là? En fait, c'est un peu triste parce que Yves Saint-Laurent doit faire son service militaire et il fera une grave dépression parce qu'on peut imaginer que ce milieu est très dur pour lui, très différent de sa vie dans une maison de couture. Et son compagnon, Pierre Berger, vient lui annoncer qu'il est licencié par la maison Dior. Et sa réaction est formidable parce qu'il dit « on ouvrira, on va ouvrir notre propre maison de couture ». Et c'est le début de cette aventure phénoménale. Oui, une aventure qui sera celle de la maison Saint-Laurent, mais qui sera aussi celle d'un couple, je dirais, d'une équipe, cette équipe que vont former Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Comment ils se rencontrent, ces deux-là, et qu'est-ce qu'ils vont s'apporter l'un l'autre? De quoi sera fait, justement, cette fameuse équipe? Ils se rencontrent un peu par hasard, parce que Dior était... Les défilés de Dior étaient toujours des événements, donc Pierre Berger assiste à un des défilés. Peu à peu, avec des amis communs, ils finissent par se rencontrer et naissent un grand amour. Ils deviendront un des couples les plus célèbres de la mode. Ils ne se sont jamais cachés de leur relation. C'était pour eux comme une évidence. Et en ouvrant cette maison de couture, chacun va déterminer ce qu'il va faire. C'est-à-dire que Saint-Laurent sera à la création et Pierre Berger s'occupe de tout le reste qui est énorme, c'est-à-dire le financement, le développement de la marque. Il va créer un environnement qui va favoriser la création et qui va protéger aussi Yves Saint-Laurent pour empêcher un peu ces dépressions ou ces démons qui vont revenir de temps à autre. C'est une relation passionnelle et fougueuse et l'un n'aurait pas existé sans l'autre non plus. Oui. En 65, une date importante, Yves Saint-Laurent crée l'une de ses robes les plus célèbres. Je suis certain que certains auditeurs vont la revoir quand on va l'évoquer, la fameuse robe Mondrian. Parlez-nous de cette collection Mondrian de 1965, Stéphane Leduc. Oui, encore une fois, c'est sentir le présent, sentir le temps, en s'inspirant d'un peintre contemporain peu connu dans ces années, mais qui deviendra par la suite un peintre très, très célèbre et qu'on retrouve dans tous les musées, donc des formes très géométriques. Il rend hommage à la peinture, mais il réussit à créer avec les incrustations de géométriques en couleurs, non plus un tableau plat, mais une forme, c'est-à-dire que ça devient réellement une robe. Et c'est là le talent de Yves Saint-Laurent, c'est de comprendre le corps d'une femme, que le vêtement puisse bouger. Et donc, ce vêtement fera les couvertures de tous les magazines à travers le monde, deviendra une pièce de collection et fait maintenant partie de l'histoire. Et ça va se poursuivre avec un hommage à Andy Warhol par la suite. Et donc, il comprend très bien que le vêtement, c'est une chose qui doit bouger. C'est le reflet, justement, de son époque et qu'un vêtement... Et d'ailleurs, il a une très belle citation, il dit « Une robe n'est pas une architecture, c'est une maison. Elle n'est pas faite pour être contemplée, mais pour être habitée. » Je trouve ça formidable comme expression. Et puis, ce lien très fort qu'il a avec l'art, cette inspiration, vous le disiez, donc il y a la robe, la collection Mondrian, mais il y aura des hommages à Warhol, à Wesselmann, à plein d'autres, en fait. Ça fait partie de ce qu'il est, de sa vie, cet amour de l'art, cet hommage qu'il rend à des artistes, beaucoup des peintres, tout au cours de sa carrière. Quelle place ça va prendre pour lui? L'art est presque une obsession ou un réconfort pour lui parce qu'il en remplit sa maison. J'aimerais citer d'ailleurs une fameuse veste qui s'appelle les tournesols, inspirée de ce tableau de Van Gogh, qui a demandé 600 heures de broderie et qui s'est vendue, qui a battu tous les records, 500 millions de dollars canadiens, quand elle était vendue chez Christie's. Ça montre qu'une veste pouvait atteindre le prix d'un tableau, mais cette passion d'œuvre d'art contribuera à créer une vente incroyable aussi en 2009, qu'on appellera la vente du siècle, où ces fameux tableaux seront dispersés, les sculptures. Bref, ça montre que c'est une vie qui est consacrée à l'admiration et la fascination pour les artistes aussi. Ouais. En 66, vous l'avez un peu évoqué quand on parlait de l'importance qu'il a eue dans l'histoire de la mode, sa vision de la mode pour les femmes. En 66, il frappe un grand coup avec son smoking pour femmes. Revenons peut-être un petit peu sur l'importance que ça a eu, ce vêtement, mais d'autres qui vont suivre. De quelle manière Saint-Laurent va réinventer justement la mode pour les femmes? Oui, cette tenue de soirée qu'on appelle le smoking, qui est vraiment identifiée aux vêtements de soirée pour hommes, il provoque beaucoup, alors qu'aujourd'hui, ça nous semble presque évident, il fait une forme de révolution en permettant à une femme de porter ce vêtement, donc il l'adapte. Donc, c'est prendre un symbole masculin, l'amener chez les femmes, et le port du pantalon aussi lors de soirées. Ça dérange la France qui est conservatrice à cette époque, mais même aux États-Unis aussi. Il y a une grande cliente qui sera refusée dans un grand restaurant. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève le bas et conserve que la tunique. Et cette histoire fera le tour du monde, naturellement montrant le côté provocateur, mais aussi conservateur. qui pouvaient exister à cette époque. Et c'est par ces types de vêtements qu'il a transformé toute une mentalité et fait accepter certaines choses et faire comprendre aux hommes que les femmes avaient évolué et qu'elles étaient rendues ailleurs, qu'elles avaient le droit à cette liberté aussi, que ça s'exprimait à travers le vêtement. Ouais. L'une des rares collections, c'est pas arrivé souvent, l'une des rares collections de Saint Laurent qui a fait scandale est celle de, et qui a pas été, enfin qui a peut-être été un peu moins heureuse parce que parfois le scandale est payant, c'est celle de 71, ce qu'on appelle la collection 1940. Pourquoi cette réaction? La collection faisait référence à 1940, donc ce fut un scandale parce que ça rappelait la guerre, ça rappelait une période difficile pour les Français, pour les Européens en général aussi. Et cette idée de faire référence à un vêtement qui était de la récupération, c'était un hommage à la fripe, c'est-à-dire récupérer des jupes plus courtes, des vestes pour hommes avec les épaules plus larges, d'avoir des chaussures compensées, c'était aussi, ça correspondait, soi-disant, à un certain mauvais goût. Donc l'époque était, cette période, c'était comme faire un coup de fouet, tout à coup, de provoquer. Saint-Laurent aimait bien tout à coup faire ce changement de provocation qui permettait à la fois d'attirer l'attention, mais permettre de comprendre aussi que la mode est en constante évolution et que lui voulait amener les choses ailleurs. Il voulait briser certains tabous. Et c'est un peu la raison du scandale. Mais finalement, ça reste une des collections les plus admirées aujourd'hui. Oui. Partons un peu pour le Maroc, si vous le voulez bien, parce qu'on ne peut pas faire une émission sur Yves Saint Laurent sans parler du Maroc. C'est dans les années 60 qu'il découvre avec Pierre Berger le Maroc. Très, très vite, ce pays-là va teinter sa vie, sa mode également. Comme le raconte le directeur du musée Yves Saint Laurent à Marrakech, Bjørn Dahlstrøm, dans cette entrevue qu'il accorde à l'AFP en 2017. Ici, c'est vraiment un hommage à la couleur et à toutes les inspirations de Saint-Laurent. Puisque quand Saint-Laurent et Berger sont arrivés pour la première fois en 66 au Maroc, qu'ils ont acheté immédiatement une maison ici, Saint-Laurent a dit avoir découvert la couleur ici, une véritable épiphanie de couleur. Son travail était plutôt sombre et noir auparavant. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, Saint-Laurent est véritablement devenu un orientaliste et un coloriste unique. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans la sélection des modèles qui sont présentés ici. Où on présente des vestes brodées qui rendent hommage aussi aux grandes maisons, aux grands ateliers qui ont contribué aussi à la réussite et aux créations extraordinaires qu'on peut retrouver dans cette exposition. Je pense à la veste hommage à Vincent Van Gogh, les Iris, qui a nécessité plus de 600 heures de travail et qui, à l'époque, avait été la veste la plus chère de l'histoire de la couture. Alors, on y revient à cette fameuse veste Van Gogh dont vous nous parliez il y a quelques minutes, Stéphane Leduc. Mais sur le Maroc, que dire de l'importance que va avoir le Maroc dans la vie et dans l'œuvre d'Yves Saint-Laurent? Le Maroc est important parce que, à la fois, ça lui rappelle un peu son enfance, qu'il avait la vie en Algérie, mais c'est aussi un lieu de découverte, d'exploration, l'exploration de la couleur, de voir ces femmes dans les marchés, les couleurs qu'elles osent porter vont beaucoup l'inspirer dans ses créations. C'est aussi le lieu de repos pour lui, le lieu où il va dessiner les collections, s'inspirer. C'est une façon pour lui, de se détendre, mais de se concentrer sur l'essentiel de la création qui devient parfois extrêmement difficile pour lui. C'est le seul lieu apaisant pour lui. Donc, ça deviendra à la fois l'inspiration et le lieu de travail, un lieu magique qui a vraiment marqué toute sa vie. Oui. Avec certains excès, bien sûr, qui appartiennent à cette vie qu'a eu Saint-Laurent. Puis vous allez voir qu'avec l'extrait qu'on vous présente tout de suite, on y revient à ce combat que vous évoquiez au tout début de l'émission. Cette tourmente, ce mal-être qui est en même temps une force, un moteur de création. Ce que ça a voulu dire pour lui, extrait à nouveau de cette conférence de presse du 7 janvier 2002 où Yves Saint-Laurent annonce qu'il prend sa retraite. Je vous ai convié aujourd'hui avec beaucoup d'émotion pour vous annoncer une nouvelle importante qui concerne ma vie personnelle et mon métier. J'ai eu la chance de devenir à 18 ans l'assistant de Christian Dior, de lui succéder à 21 ans et de rencontrer le succès dès ma première collection en 1958. Il y aura 44 ans dans quelques jours. Je suis passé par bien des angoisses, bien des enfers. J'ai connu la peur et la terrible solitude, les faux amis que sont les tranquillisants et les stupéfiants, la prison de la dépression et celle d'une maison de santé. Marcel Proust m'avait appris de la magnifique et lamentable famille des Nerveux et le sel de la terre. Je n'ai pas choisi cette lignée fatale. Pourtant, c'est grâce à elle que je me suis élevé dans le ciel de la création, que j'ai côtoyé les faiseurs de feu dont parle Rimbaud, que je me suis trouvé, que j'ai compris que la rencontre la plus importante de la vie était la rencontre avec soi-même. Pourtant, j'ai choisi aujourd'hui de dire adieu à ce métier que j'ai tant aimé. C'est un extrait de la conférence de presse où Yves Saint-Laurent annonce qu'il prend sa retraite, qu'on vient d'entendre en janvier 2002. Un extrait qui est tiré du très beau film de Pierre Toretton, L'amour fou, réalisé en 2010. C'est assez émouvant, ce qu'on vient d'entendre, Stéphane Leduc. On va terminer l'émission en revenant sur ce que vient de dire Saint-Laurent. Ça nous amène à parler de ce qu'a été sa vie, mais aussi de l'héritage qu'il nous a laissé et de ce qu'il est devenu, Yves Saint-Laurent, dans l'imaginaire collectif occidental. Oui, très touchant de l'entendre, surtout d'accepter et de parler de sa vie ainsi, une vie qui a été à la fois merveilleuse et à la fois extrêmement difficile, extrêmement douloureuse pour lui. On se demande s'il y a vraiment eu de grands moments de bonheur quand on entend ces phrases et cette détresse. Saint-Laurent aura marqué l'histoire de la mode. Il reste encore aujourd'hui probablement la personne la plus influente. Il espérait que dans 100 ans, on étudie ses créations. Et on continue encore à l'étudier. Il est observé et heureusement, deux musées en fait existent, celui de Paris dans ses anciens ateliers où ont été conservés 5000 vêtements. Donc chaque collection est présente, donc c'est merveilleux pour tous les étudiants et les gens qui admirent son travail ou qui veulent le découvrir. Et le musée de Marrakech également. On a dit de lui qu'il a révolutionné la forme, le style, les silhouettes. Jacques Lang lui a rendu l'ancien ministre de la Culture sous Mitterrand, que c'était un prodige, qu'il avait l'éclat de la pureté, le génie de la création. Ça semble des adjectifs très forts, mais je crois très réalistes et très vrais quand on voit cette création incroyable au cours des décennies, la durée aussi de la création qui a été merveilleuse jusqu'à la fin. Oui. Stéphane Leduc, on s'arrête là-dessus. Journaliste de mode, chargé de cours à l'École supérieure de la mode de l'Université du Québec à Montréal et directeur pédagogique de l'École Promédia. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Ça fait une joie de travailler avec vous. Merci beaucoup, Stéphane. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.